décembre. J'ai voulu acheter, j'ai dû tout vendre. J'ai voulu expliquer, j'ai dû comprendre. J'ai voulu janvier, j'ai eu décembre. J'ai voulu te voir, j'ai dû t'entendre. J'ai voulu continuer, j'ai dû me rendre. J'ai voulu tout droit, j'ai eu les méandres. J'ai voulu me casser, j'ai dû me fendre. J'ai voulu courir, j'ai dû marcher. J'ai voulu me durcir, j'ai eu pitié. J'ai voulu partir, j'ai dû rester. J'ai voulu m'enrichir, je suis toujours fauché. J'ai voulu en finir, j'ai dû continuer. J'ai voulu ralentir, j'ai dû me presser. J'ai voulu m'endormir, j'ai dû m'éveiller. J'ai voulu tout sentir, j'ai dû t'oublier. La tête à l'envers et le cœur à l'endroit. Vois ma vie en tort et mes rêves en droit. Demain sera clair si tu restes avec moi. J'ai besoin de mon fer. J'ai voulu des palmes, j'ai eu un scaphandre. J'ai voulu du bois, j'ai eu des cendres. J'ai voulu prouver, j'ai dû prétendre. J'étais pourtant sûr, mais c'est à s'y méprendre. J'ai voulu permettre, j'ai dû défendre. Je voulais pas avoir trop de comptes à rendre. J'ai voulu Amsterdam, j'ai eu le port. J'ai voulu m'arrêter, mais t'en voulais encore. La tête à l'envers et le cœur à l'endroit. Vois ma vie en tort et mes rêves en droit. Demain sera clair si tu restes avec moi. J'ai besoin de m'en faire. J'ai voulu d'abord et j'ai eu après. J'ai voulu encore et j'ai pas eu assez. J'ai voulu l'accord, j'ai pas eu la paix. J'ai voulu de l'or et j'en ai pas trouvé. J'ai voulu facile et c'était compliqué. J'ai voulu critique et je me suis trompé. J'ai voulu politique et rien n'a changé. J'en ai eu marre et je me suis tiré. La tête à l'envers et le cœur à l'endroit. Vois ma vie en tort et mes rêves en droit. Demain sera clair si tu restes avec moi. J'ai besoin de m'en faire. La tête à l'envers et le cœur à l'endroit.